Bon, alors, l'émission Tintin, très bien. Par contre, ils sont où tous les films Tintin, les films des années 60, la série télé, le film de Spielberg, toute cette carrière cinématographique qui m'a fait, moi, connaître et accrocher aussi au personnage. Voilà. Marie-Elisabeth et Christiane, écoute, j'entends des bruits en bas. Est-ce que tu peux aller voir, hein? Parce que moi, je suis déjà couché, j'ai pas envie de me relever. Alors, tu te relèves, tu vas voir, puis tu me dis. Ectoplasme, moule à gaufre, bachibouzouk, scolopendre, blockbuster. Bonjour, je m'appelle Marcel, j'ai 13 ans, et je voulais parler du jeu Tintin au Tibet. Tout peut nous faire mal. Un majordome qui passe, un enfant qui passe, une valise qui glisse, tout. C'est une horreur et il est injouable. Salut Blockbuster, c'est Damien de Nancy. Écoutez, encore merci pour cette super émission sur Tintin. Tintin dont je suis devenu amoureux le jour où j'ai découvert sur les premières pages du Secret de la Licorne que Milou a pratiquement chacune de ses apparitions se grattait alors qu'il était au marché aux puces, place du jeu de balle à Bruxelles. Et là, j'ai découvert que Hergé était un vrai génie. Tintin au Congo, ça m'a fait réfléchir sur la colonisation. Toute l'époque Temple du Soleil, ça m'a fait réfléchir sur les Mayas et je me suis documenté là-dessus. Le Lotus Bleu, toute la période asiatique, ça m'a ouvert l'esprit et je suis allé visiter l'Asie. Donc non. Hergé, peut-être, je sais pas qui il était, mais Tintin n'est pas raciste. Bisous. Not to be. Je ne suis pas un grand fan des conspirationnistes. Tous ces individus qui vont expliquer l'air suspect qu'en fait, derrière un emballage de petits Suisses, se cache en fait un complot judéo-maçonnique ourdi par des reptiliens travaillant pour l'ordre des Illuminati. Sincèrement, je sais pas vous, mais moi ça me fatigue. L'idée qu'une société secrète se réunirait comme dans un James Bond au fond d'un volcan pour présider à la destinée du monde, avec en bout de table une sorte de génie diabolique, un Kaiser Soze en train de caresser un chat sur ses genoux en regardant une planisphère, je trouve ça d'un optimisme totalement naïf. Parce que finalement, le conspirationniste, c'est quelqu'un qui est convaincu que derrière les grands coups tordus de l'histoire se cache forcément quelqu'un de très intelligent. Bah excusez-moi, mais je crois pas. Je crois pas qu'il y ait besoin de cacher quoi que ce soit à une civilisation qui accepte de payer 4,50€ pour une tasse de café en terrasse. À une société qui accepte de s'endetter sur 30 ans pour acheter des appartements à 10 000€ le mètre carré. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être un génie du crime pour manipuler des hommes et des femmes qui ont financé par leurs impôts des autoroutes, des hôpitaux, des aéroports et qui acceptent plus ou moins sans rien dire qu'on les privatise ensuite ? Est-ce que le gouvernement français a jamais eu besoin de cacher qu'il vend des armes au pays à qui fait la morale ensuite pour les avoir utilisées ? J'aimerais, comme ils le disent dans la série X-Files, que la vérité soit ailleurs. J'aimerais vivre dans un monde où Mulder et Scully seraient les lanceurs d'alerte qu'ils étaient sur petit écran. Mais la vérité, c'est qu'en matière d'injustice sur lesquelles on accepte toujours de fermer les yeux, on sera toujours aux frontières du réel. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Agent Scully, merci d'avoir répondu si vite à notre appel, je vous en prie. Je vois que vous travaillez avec nous depuis 2 ans. Oui, monsieur. Vous avez fait des études de médecine, mais vous avez choisi de ne pas pratiquer. Comment êtes-vous arrivé au FBI ? Eh bien, j'ai réussi à me faire engager dès la fin de mes études. Et mes parents ont cru que c'était un acte de rébellion, mais je savais qu'au FBI, je pourrais donner le meilleur de moi-même. Est-ce que vous connaissez un agent nommé Fox Mulder ? Oui, je le connais. Par sa réputation. Je sais qu'il est diplômé d'Oxford en psychologie et qu'il a écrit un bouquin sur les tueurs en série et les sciences occultes qui a permis d'arrêter Monty Pops en 1988. Il est en général considéré comme le meilleur analyste des affaires criminelles. Il avait un sobriquet à l'académie. On l'appelait le Martien. Il faut que vous sachiez que l'agent Mulder se consacre avec passion et dévouement à certains dossiers situés en marge de ceux que traite habituellement le bureau. Êtes-vous au courant de ce qu'on appelle les affaires non classées ? Il me semble qu'il s'agit de certains phénomènes inexpliqués. Plus ou moins. Nous comptons sur vous, agent Scully, pour assister l'agent Mulder dans ses affaires. Vous nous ferez un compte-rendu détaillé de vos activités, ainsi qu'un rapport sur la validité et l'utilité d'un tel travail. Mulder et Scully, les deux agents du FBI les plus connus du petit écran avec l'agent Cooper de Twin Peaks. David Duchovny et Gillian Anderson, deux personnalités que tout oppose. Lui, paranoïaque et porté sur le surnaturel, elle, cartésienne et rationnelle à l'extrême. X-Files, ce sont des affaires non classées, teintées de mystère que ces deux agents tenteront de résoudre au fil de 11 saisons et 2 films. Mais X-Files, c'est avant tout l'histoire d'une série culte. Reflet d'une défiance vis-à-vis des gouvernements et des complexes militaro-industriels qui n'a cessé de grandir avec le temps, à l'ère des lanceurs d'alerte et des fake news et des réseaux sociaux, il n'a jamais été aussi répété que la vérité est ailleurs. Pour revenir sur la fabuleuse histoire de la série de Chris Carter, j'ai à mes côtés tout un tas d'agents de qualité. Tout d'abord, Séverine Barthes, bonjour. Bonjour. Universitaire, enseignante, chercheuse, maîtresse de conférences à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Et vous êtes spécialisée dans les séries télévisées. Et oui, ça arrive. Ça arrive, mais c'est bien, c'est bien. Iris Benoît, bonjour. Bonjour. Alors Iris, grande fan de la série X-Files, il semblerait que ce soit par cette série que vous avez même choisi votre métier. Tout à fait. Je suis devenue monteuse truquiste grâce à X-Files, en découvrant les coulisses avec les DVD. Ça mène à tout. T'as truqué la vérité. Thomas Vachnicki, vous êtes fan de la série depuis ses débuts. Vous êtes webmaster pour le site La Vérité est ailleurs. C'est le site de référence pour les la fans. La vérité est ici. Ah, la vérité est ici. Elle ah bah voilà, ici. Bah oui, mais c'est parce qu'on l'a cherché encore un c'est petit ça. Peu à France Inter et on voulait qu'elle est chez vous. Donc la vérité est ici. Et vous avez réalisé un documentaire. Vous avez vu comment je m'en sors? Vous avez réalisé un documentaire X-Files. C'est ça. Oui. Il voulait y croire en 2016. Oui, tout à fait. Ouais. Il voulait y croire. Et c'était une sorte de lettre d'amour sur la série et sur les fans. Et le prochain documentaire, c'est sur les petits Suisses. Là. D'accord, parfait. Parfait, ça m'intéresse. Je suis preneur. Et enfin, Benoît Lagan, critique série et journaliste culturel à France Inter dans l'émission Le Nouveau Rendez-vous et auteur du spectacle incroyable que j'ai vu et j'ai vraiment beaucoup aimé sur les séries Le Compteur Cathodique. Oui. Bonjour Benoît. Bonjour Frédéric. Alors ensemble, on reviendra sur la création de cette série, son ton, ses thèmes, ses acteurs, en quoi elle a marqué son époque? Est-ce qu'elle nous parle encore aujourd'hui? Y a-t-il eu un successeur à X-Files? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre. Allez, on part sur l'autoroute des phénomènes inexpliqués. Vous êtes dans Blockbuster et aujourd'hui, on parle d'X-Files. Agent Mulder, je suis Dana Scully, j'ai été chargée de vous assister. Oh, est-ce que c'est agréable de se sentir tout à coup considéré et respecté? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait comme boulette pour échouer ici? J'en sais rien, mais j'avais envie de travailler avec vous. J'ai beaucoup entendu parler de... C'est vrai, ça? J'avais plutôt l'impression que vous étiez là pour m'espionner. N'empêche que je veux quand même connaître votre diagnostic là-dessus. Voici une jeune femme de l'Oregon, âgée de 21 ans. Sa mort n'a aucune cause rationnelle. L'autopsie n'a rien révélé. Et d'un coup. Cependant, elle porte au bas du dos deux marques bien nettes. Vous êtes calé en chimie? Voilà la substance qu'on a trouvée dans les tissus voisins. Elle est organique? Ou alors une sorte de protéine de synthèse. Je ne sais pas, c'est la première fois que je vois ça. Mais on a trouvé la même chose à Sturgis, dans le Dakota, et encore à Shamrock, au Texas. Vous avez une théorie? J'ai beaucoup de théories. Croyez-vous à l'existence des extraterrestres, agent Scully? Étant donné les distances qui séparent les régions les plus éloignées de l'espace, l'énergie requise pour les traverser excède les capacités d'un vaisseau spatial. Argument bien connu. Vous savez que cette jeune femme est la quatrième étudiante de sa promotion, la quatrième à mourir dans des circonstances mystérieuses. Quand la science conventionnelle ne vous apporte aucune réponse, est-ce qu'on ne doit pas en fin de compte introduire le fantastique dans le champ des plausibilités? Moi, ce que je trouve fantastique, c'est que certains croient qu'il existe des réponses en dehors du domaine des sciences. Toutes les réponses sont ici. Il suffit de savoir où regarder. Alors, c'est important de savoir où regarder. Et justement, X-Files, qu'est-ce qu'il faut regarder? Benoît Lagan, c'est quoi X-Files? Oh bah, X-Files, c'est d'abord une série qu'on a découvert quand on est vieux comme moi, un dimanche à 18h sur M6. Vieux, ça commence à voilà. Quel âge chez vous, en fait? J'avais 17 ans quand même. Ah, voilà. Ah oui, oui. Oui. Non, j'étais... Oui, il a eu 17 ans un j'ai jour. J'ai eu 17 ans un jour. À première vue, comme ça, on se dirait non. Mais c'était... Non. C'est, voilà, l'histoire de ces deux enquêteurs du FBI qui enquêtent sur ces affaires non classées. Pour moi, donc, c'est pour ça que je dis que c'est important 17 ans, parce que c'est un âge où on commence à regarder les choses de façon adulte. Et pour moi, même si j'avais regardé plutôt dans les temps X des frères Bogdanov, des séries type Au-delà du réel ou encore La quatrième dimension, cette série-là, tout d'un coup, quand je la regarde, je vois qu'elle me parle presque, elle est un complément au JT. Je suis donc les enquêtes de ces affaires non classées, de ces petits hommes verts ou pas, enfin voilà, l'homme à la cigarette étrange, les fameux complots que vous décriviez très bien au début. Donc on regarde ça, mais à la fois on voit qu'il est question de vaches folles, et donc au JT aussi on nous en parle, et donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est pour ça que souvent on a critiqué le titre français qui était aux frontières du réel, mais pour moi ça marchait bien, parce que j'avais l'impression d'entrer en Amérique, mais aux frontières du réel justement, où je savais pas si ce que je regardais était finalement vrai ou complètement fake. Séverine Barthes, vous avez découvert aux frontières du réel X-Files comment ? Bah, à peu près comme Benoît, sauf que moi j'étais un peu plus jeune. Et donc voilà, par M6 le dimanche, puis c'était le vendredi soir. Et donc c'était, alors moi j'étais un peu plus jeune, et puis moi surtout c'est le personnage de Scully qui est davantage peut-être marqué, parce que c'était un personnage féminin mais scientifique, rationnel, féminine mais qui se définissait ni par la maternité ni par ses petits copains, et donc c'était assez rafraîchissant. Et même encore aujourd'hui, hein, c'est ouais, ça reste un modèle, enfin un archétype de personnage qui est pas si courant. Iris. Pareil. Alors, aussi à 17 ans, vous étiez tous les trois ensemble. J'étais plus jeune. J'étais beaucoup plus jeune, moi. Et pour l'anecdote, c'est mes parents étaient abonnés à Télérama. Et donc, ce qui explique votre amour de France Inter, tout ça. Ouais, oui, exactement. Oui, on se coopte. Oui, je comprends. Et le soir de la première diffusion en prime d'X-Files sur M6, ma mère dit: ce soir, je veux regarder ça. Télérama en a dit du bien. Et le petit bonhomme, il souriait. Ouais, c'est ça. Il y avait, je sais plus combien de petits bonhommes il y avait, mais en fait, elle avait lu un article. J'en ai reparlé avec elle récemment. Elle avait lu un article qui montrait l'aspect très novateur en fait de la série, de raconter des nouvelles choses qu'on n'avait jamais vues avant. Et donc du coup, nous on a suivi. Et puis moi j'étais petite, enfin j'avais 11-12 ans quoi, donc j'avais très très très peur. Il y a certains épisodes très effrayants. Voilà, tout à fait. Mais il y avait mes parents à côté, donc ça allait. Il faut remercier Jean-Philippe Pisagnas de Télérama, qui à l'époque a fait un peu changer les choses et qui nous a conseillé de regarder X-Files et voilà. Le Caméléon quelques années plus Jarod. Tard, par exemple. Jarod. Ouais. Ouais. C'était le même journaliste. Alors, Thomas Vachniki, vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. On parlera de votre découverte d'X-Files tout de suite après le prochain morceau qu'on va écouter, Rag & Bone, qui va interpréter Human. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. So long, Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. C'était Rag & Bone avec Human. Bonjour, c'est à quel sujet? Agent Mulder et agent Scully du FBI. Oh, c'est à cause du stylo que j'ai pris à la poste. Je vous jure que je savais pas que je l'avais mis dans mon sac. Je voulais le rapporter, mais le chien l'a mâché. Ça a pas facilité les choses. En fait, c'est votre mari que nous venons voir à propos de cet ovni qu'il aurait vu. Oui. Entrez, entrez. Monsieur Simpson, regardez-les et dites-nous si l'un d'eux est l'extraterrestre que vous avez vu. Yo. Non, je regrette. Quelle humiliation, je suis outré, outré. Alors ça me rend trop furieux. Nous allons vous soumettre à un test. Il s'agit d'un simple détecteur de mensonges. Vous répondrez franchement par oui ou par non aux questions que je vais vous poser. Vous avez compris? Oui. C'était bien évidemment un extrait des Simpsons dans lequel vous avez vu apparaître nos deux fameux agents du FBI, Mulder et Scully. Alors nous sommes toujours dans Blockbuster sur France Inter avec Séverine Barthe, Benoît Lagan, Iris Benoît et Thomas Vachnicki pour parler d'X-Files. Alors justement, Thomas, oui. Comment vous avez découvert cette série? Parce que vous avez créé un site, vous êtes hyper calé sur le sujet. À quel moment il y a eu le coup de foudre entre vous et X-Files? Alors la première diffusion c'était en juin 94, donc je vous laisse calculer l'âge de Benoît. Comme ça. C'était les premières diffusions parce que moi j'étais nourri voilà MacGyver, donc toutes les séries de la 5, de La Une est à vous et tout ça. Donc c'était policier aventure, c'était pas non plus très très poussé pour moi, enfin pour l'ado que j'étais. Et je vois une série qui s'appelle Aux frontières du réel, donc j'ai le titre accrocheur. Je vois des résumés qui veulent rien dire, donc je me suis dit on va regarder. Le générique accroche. Dès la première image, c'est cette série est basée sur les documents des faits réels. Donc, on se dit, ok, on comprend rien, surtout à mon âge. Ah, vous la vendez bien. Hein. S'il y a des gens qui connaissent pas, là, ils doivent être chez eux. Oh, je suis chaud bouillant. Mais là. Après, on se sent intelligent parce qu'on comprend. C'est ça. Ouais. Et voilà. Après, depuis 94, ça a pas bougé. Enfin, si, ça a un peu bougé parce qu'évidemment, j'ai vieilli. La série évoluait. Il y a plein d'autres séries qui sont arrivées. Maintenant, la série, avant, on l'a comparée à ce qui se faisait avant. Après, on l'a comparée avec elle-même. Et maintenant, on l'a comparée à d'autres. Donc forcément, la réception critique de la série a changé. Et c'est bien aussi de la réhabiliter, parce qu'il y a quand même de très bonnes choses. Même si maintenant, on en parle plus pour les côtés négatifs, au niveau qualitatif. Mais il y a encore de très, très bonnes choses. Tout à fait. Et comment Chris Carter a eu l'idée de cette série? Alors il a vu que beaucoup de un pourcentage, alors je sais plus le pourcentage exact, mais que on va dire 10%. 10% des Américains étaient Vous savez qu'il y a des gens qui vérifient quand même. Hein. Non, parce qu'on en dit des conneries à cette antenne hein, mais je vous assure les gens ils sont sur le TV, ils disent "Oh mais c'est pas vrai, c'est pas 10%." Là on va recevoir des mails hein. Alors un pourcentage d'Américains s'était fait enlever par les extraterrestres, voilà. Donc il s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas en faire quelque chose. Et puis surtout Chris Carter était surfeur, donc il écrivait pour un magazine de surf, rien à voir. Donc rien à voir. Et il avait écrit je crois pour Disney aussi, et il était fan de Kolchak, The Night Stalker oui, qui était pareil un enquêteur du paranormal. Donc il s'est dit on va lancer quelque chose. On va essayer de vendre une série qui payait pas de mine au début, hein, parce que c'est vrai que ça ressemblait pas non plus à quelque chose de super original au début. Et voilà, on était en 93 aux États-Unis, quoi. Et après, ça fait partie de l'histoire. Mais d'ailleurs, je serais tenté de dire que l'intérêt d'X-Files, c'est de faire allusion aux présences extraterrestres ou comme ça connoter les éléments fantastiques, mais on les voit assez peu, même des fois pas. C'était tout son intérêt. Iris, c'est que c'était totalement suggéré, et c'est ça aussi qui faisait flipper la petite enfant que j'étais. Mais c'est aussi tout le concept de la série, ça j'ai mis longtemps à le comprendre, mais on cherche pas de réponse ou de choses claires. La série, elle est là pour nous suggérer des choses. Que ce soit les théories du complot, ou est-ce que les extraterrestres existent, ou qu'est-ce qui se passe au-delà des gouvernements, tout ça on ne le sait pas, on le suggère, peut-être, peut-être pas. Et la fin de la série, que ce soit la fin de la 9 ou la fin du revival, nous apporte pas de réponse et je crois pas que Carter ait la réponse de toute façon. Mais d'ailleurs, c'était un gimmick qui revenait très souvent dans la série où les deux agents du FBI faisaient fou blanc à la fin de l'épisode. Séverine Barthe. Oui, c'est l'enjeu même du fantastique, c'est-à-dire que le fantastique, c'est jouer avec le réalisme. Donc on est bien dans un monde réel qui est le nôtre ou qui est très proche du nôtre ou qui est similaire au nôtre et dans lequel il y a des choses qui vacillent et qu'on ne peut déterminer de manière précise du côté de la normalité ou du côté de la normalité. Et donc, c'est pas facile en radio, hein. Et donc, c'est tout l'enjeu de ces séries fantastiques et de ce jeu avec le public qui va reconnaître des choses de son monde et qui va lui-même projeter dans son monde des processus vus à l'antenne, en fait. Parce que ce qu'il faut dire par rapport à X-Files aussi, et à son arrivée quand la série donc débarque dans les années 90, c'est qu'il y a toute une culture, et Chris Carter est nourri par une télévision dans les années 60, 70, notamment les quatrièmes dimensions, les au-delà du réel, toutes les séries d'anthologie qui vont jouer sur les dimensions que vient de décrire Séverine, et sur souvent des histoires d'ailleurs qui n'ont pas forcément de révélation, mais qui jouent sur les peurs, qui jouent sur les questionnements, donc ils sont nourris par ça, ça nourrit toute une génération notamment de cinéastes, Spielberg, Joe Dante, tous ces gens qui dans les années 80 vont faire du cinéma avec notamment des petits extraterrestres. Et quand lui, Chris Carter, arrive dans les années 90, c'est assez logique qu'il poursuive ça, d'autant plus qu'on est à une époque où on est quand même sur une fin de siècle, donc avec tous les questionnements, la peur de la fin du monde, voilà. Et donc tout ça s'additionne et crée le cadre idéal pour voir ces deux personnages de se balader dans les forêts de Vancouver. Il était fan des Trois Jours du Condor, le film très complotiste. Donc c'est pour ça qu'il y a pas que des extraterrestres dans X-Files. C'est pas une série d'aliens. Ça prend 6 épisodes par saison. Donc oui, tout le reste, c'est tout autre chose. C'est le folklore fantastique. Donc il y a plein d'autres choses. Eh bien nous aussi dans Blockbuster, on a deux agents, l'agent Prudence Castello et l'agent Chloé Brassière du bureau des affaires totalement élucidées, qui sont allés enquêter auprès des gens concernant le dossier mystérieux X-Files. X-Files, la série ? Un truc ringard un peu. Une vieille série sur M6 et tout. J'ai jamais regardé personnellement. La seule fois où j'ai vu un épisode de X-Files, c'était dans Les Simpsons. Ils ont fait une parodie dans un horror show d'un épisode des X-Files et il y avait un truc avec Monsieur Byrne. Je connais pas du tout, j'ai jamais regardé. C'est à la fois un univers qui est le nôtre, qui est vraiment réel, qui semble réel, c'est en plein cœur du FBI, c'est filmé de façon très naturaliste. Je me souviens plus de leur prénom, c'était McLucky, non ? Il y a une histoire d'amour folle, en fait, entre Mulder et Scully. Il y a vraiment un érotisme latent, et les deux sont très sexy. Une main touchée du bout des doigts, un regard furtif. C'est une série, ça, ouais. C'est une série qui passe à la télé. J'ai jamais regardé. Il y a toujours une remise à zéro, un peu, de l'intrigue. Scully ne croit pas Mulder, mais on sent qu'elle a envie d'y croire. Et chaque fin d'épisode se solde à la fois par un échec et en même temps une victoire de Mulder sur Scully, parce qu'il semblerait que Scully lâche du terrain dans la croyance auprès de Mulder. Et à l'épisode suivant, rebelote, Scully ne croit pas Mulder. Sincèrement, quand tu regardes, tu te fais chier, en fait. Excusez-moi du terme, mais on se fait chier. La série est vraiment prenante. Mais même plus que prenante, elle est excitante, elle est terrifiante, elle est belle. Ouais, c'est ça. Des avis contrastés. Alors, je rappelle que vous pouvez, durant tout cet été, via notre répondeur, nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, le 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire X-Files. Alors, on l'entend, évidemment, et je pense qu'il y a aussi l'âge des interviewés qui... Ils n'avaient pas 17 ans quand ça a commencé. Non, eux, ils n'avaient pas 17 ans. Bon, j'ai fait le bon calcul, je devais en avoir plus 18, je pense. Oui. Mais on voit quand même que, dans la tête des gens, alors pour certains, c'est un monument d'érotisme, de non-dit entre Mulder et Scully. Alors, je ne sais pas comment il l'a vu. Je pense qu'il était plus axé sur le X de Files que. Et pour d'autres, c'est vraiment le côté série, un peu longue, un peu bavarde. Donc qu'en est-il ? Parlons justement de la relation entre Mulder et Scully. Ah. Parce que là, il y a quand même deux archétypes extrêmement forts qui ont été créés dans la télévision américaine. Qui veut se lancer en premier pour parler de ça ? Parlons-en. En fait, je vais parler du côté des Thomas fans. Thomas, je crois qu'il a voulu se Je vais parler du côté des fans parce qu'il y a eu deux catégories qui se sont créées à l'époque. Il y a eu les shippers et les no-romos. Alors les shippers, c'était ceux qui étaient pour la relation entre Mulder et Scully pour que ça aille plus loin. De relation shipper. D'accord. Et les merci Iris de nous traduire. Je n'ai pas fait Thomas Vachniki. Oui, je viens de découvrir que je suis un shipper, le renard. Alors attention, parce que catégories qui se sont ajoutées. Donc il y a les neuromos pour no-romance, donc pas du tout de romance. Ok. Donc, il y a Séverine Barthes, vous êtes exactement. Vous êtes une no-romance. Ouais. Oui. Donc les shippers se sont créés d'abord, et ensuite, bon, fatalement, si on n'était pas shipper, on était neuromo. Donc cette faction-là s'est créée par défaut. Mais en fait, il y en a eu deux autres qui sont créés. C'est les UST pour Unsolved Sexual Tension. Donc pour ceux qui veulent qu'il y ait la tension sexuelle, mais non résolue. Non résolue. Donc il faut que ça pas aille plus loin. D'accord. Donc ça, il y en a beaucoup. Est-ce que les trois se rencontrent et se battent? Ah oui, il y a eu des grandes guerres sur les forums. Il y en a derrière de vous, Frédéric. Ah, je sais pas, je suis conflictuel, je suis un peu des trois à la fois, moi. Et il y avait les fan-sitters, donc comme son... Ah, il y en a un quatrième. Les fan-sitters, c'était ceux qui étaient donc, assis sur la barrière et ils s'en foutaient tant que la série était bien. Et bon, on sait très bien que dès qu'un couple qui se tourne autour, bah, ça commence un peu à se concrétiser, bah, c'est moins bien. Hein. On peut en citer des tonnes de séries comme ça, mais Claire on avait Lune, dit qu'on ne parlait clair. Pas de mon couple. Séverine Barthes, je vous ai vu très, très, très sauter sur votre fauteuil quand on a entendu dire oh, bah, Mulder a l'ascendant sur Scully. Ah bah oui, pas du tout. Effectivement, il y a au début de la série deux positions très fortes, qui est d'un côté le croyant, l'irrationnel, qui est Mulder, et la scientifique, rationnelle, Scully, et au fur et à mesure, mais qui en même temps, d'ailleurs, dès le début, est catholique. Ou protestant, non, catholique. Ouais, les chrétiennes. Et donc, il y a la question de la foi, mais qui est pas la même foi que Mulder, évidemment. Oui. Et donc chacun va marcher un peu vers l'autre, c'est-à-dire qu'évidemment ils vont pas rester aussi marqués, là c'est le début de la série, pour poser les choses, mais Scully reste un personnage extrêmement fort, et le côté de la rationalité ou de la scientificité, même si elle s'applique à des extraterrestres ou à des complots, à des choses qui semblent paranormales, reste quand même une position très forte dans la série. Et je suis pas du tout sûre qu'on puisse dire que Mulder soit la position de Mulder qui gagne, si tant est qu'une position gagne, à la fin de la série. Gillian Anderson, qui n'était pas voulue par les producteurs initialement. Oui, elle a été imposée par Chris Carter, ouais. Pour un personnage très clairement inspiré du Silence des Agneaux, Jodie Foster, de Jodie Foster. Clarice, ouais. Et effectivement, je crois qu'on la trouvait trop jeune, pas assez connue, pas assez ci, pas assez ça. Elle a bien convaincu, je pense, à partir des premiers épisodes. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres actrices qui auraient pu jouer Scully comme elle l'a fait. Alors que David Duchovny, ce qui était intéressant, c'est qu'on l'avait vu dans Twin Peaks avant, en agent du FBI, Denise. Et pour ceux qui l'avaient vu, justement, ce qui est intéressant, c'est quand on l'a vu dans X-Files, enfin, moi, tout de suite, j'ai su que ce personnage, il m'amènerait dans des endroits sans doute improbables. Parce que je l'avais vu, en fait, déjà dans une position complètement improbable quelques années auparavant sur la 5 dans Twin Peaks. Mais d'ailleurs, on parlait de Twin Peaks et de l'agent Cooper. Il y a une véritable filiation entre l'agent Cooper et Fox Mulder. Oui, non, ou il n'y a que moi? En fait, il n'y a que moi. Très bien. Mais c'est pas grave. Des moments de solitude, il est nécessaire d'en avoir. Le pont entre la tarte à la cerise et les graines de tournesol. Et en plus, elle est vexante. C'est pas grave. Après tout, hein, il faut assumer ces grands moments de doute. Un grand moment d'amitié. Là, oui, grand. Bah, voilà. Donc, David. Tu as raison. Merci, Benoît. C'est trop tard. Tout le monde est témoin. Bon, eh bien, c'est le moment de me venger. Je suis entouré par des experts. Mais le sont-ils vraiment? Non. Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser trois questions extrêmement pointues concernant X-Files. Saurez-vous y répondre? Question numéro 1. Si on rencontre des extraterrestres dans l'espace, est-ce qu'on doit les appeler des extras? Bah, on parle toujours d'un point de vue de terrien, si c'est nous qui les rencontrons. Donc ils sont bien toujours des extraterrestres. C'est faux, Séverine. C'est faux. Même si c'est la bonne réponse, c'est faux. On appelle maison. On les appelle des extras ou non? Moi j'aimerais bien qu'on les appelle des extras. Des extras. On n'est pas sur Terre. C'est extra, voilà, on peut leur chanter. Question suivante. Le prénom de Mulder, c'est Fox. Est-ce que maintenant que Mickey a racheté le studio, il va devoir se rebaptiser Disney? Disney Mulder. Mickey, non. On serait pas à l'abri. Hein. Il va s'appeler Mickey. Mickey? Ouais. Mickey Mulder? Mickey Mulder. Mickey Mulder, très bien, c'est validé. Dans X-Files, si l'homme à la cigarette sait tant de choses, comment ça se fait qu'il sait pas que fumais-tu? Parce que c'est pas écrit sur les paquets aux États-Unis. Ouais. Mais parce qu'il est immortel, ce gars, en même temps. Ah, mais attention, là, là, il y a une excellente bonne réponse de Séverine Barthes. C'est parce que c'était pas écrit sur les paquets. Donc, message de prévention, il faut savoir lire c'est, les paquets. Je tiens à dire quand même que le gars, il s'est pris un lance-roquette dans la tronche et il a survécu. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas une paquette clope qui va le... D'ailleurs, l'homme à la cigarette, qui est quand même responsable de tous les grands tournants de l'histoire américaine, si on se réfère. Et puis parce que, et puis je pense que c'est parce que dans X-Files, la seule personne qui peut avoir le cancer, c'est Scully. Pourquoi ? À un moment donné, elle a un cancer, Scully. Et un cancer qui lui est un peu imposé, non ? Tout à fait. Voilà, je dis ça comme ça. Très bien. Enfin, imposé, oui et non. Oui. Elle n'aurait pas enlevé la puce, il n'y avait pas de cancer. Et là, Frédéric, il est perdu. Non, mais c'est très bien. Mais moi, je pense que là, je vous laisse prendre de l'élan. Hein, je reste sur le bas-côté et puis vous me reprenez au passage. Hein. Ça, on t'appelle un taxi. Bon, et bien, pour se remettre de ces émotions, on va écouter Christine and the Queens avec Comme si on s'aimait. Cette émission est réalisée par celle qui rêve de se faire enlever par des aliens, surtout s'ils ont la tête de Denzel Washington, Céline Hila. À la programmation musicale, Muriel Confidential Perez, Marie Mougin, Chloé Brassière et Prudence Castelot et Aurore Mancip, notre stagiaire, ont préparé cette émission. Et notre Walter Skinner aujourd'hui s'appelle Gilles Gaillard. C'est une chanson, ça n'engage que nos prénoms, dans mes graves articulés. C'est ce que je me dis quand je termine ce couplet. Je sais que t'as dit non, frayé par mes façons. Mais quand même, cette chanson est une pensée, moi qui sais te trouver. Tout vient par grand froid de ta bouche labée. C'est comme si ce n'est, tu me mets plus fort, baby. Je me dis quand je pars en morceaux, tu ne sais pas me regarder. Et ma voix de chevalier rend justice à ma beauté. Plus douce et tranchant quand je me raconte. Ma langue est le seul corps qui vraiment compte. C'est comme si on se met. C'était Christine and the Queens avec Comme si on s'aimait. Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter. Je peux vous fournir des informations, mais je ne le ferai que si c'est vraiment dans mon intérêt. C'est quoi votre intérêt ? La vérité. Ces choses que j'ai vues, je ne sais pas ce que c'est. Ils me l'ont fait oublier. Ils l'ont effacé. Je vous en prie, dites-moi au moins ce que c'était. Un ovni militaire. Oh. Monsieur Mulder, pourquoi ceux qui, comme vous-même, sont persuadés de l'existence d'une vie extraterrestre quelque part sur Terre, ne sont-ils convaincus par aucune des preuves du contraire ? Parce que jusqu'ici, toutes les preuves du ont laissé dans l'expectative. Précisément. C'est donc vrai, ils sont ici. Monsieur Mulder, ils sont parmi nous depuis la nuit des temps. Et ça y est, spoiler, nous le savons, ils sont parmi nous. Peut-être sont-ils autour de cette table. Vous m'avez pas l'air très très humain. Alors quand même, on voit bien avec cet extrait qu'il y a, cette dimension très très prenante de conspirationnisme, de gouvernement qui nous cacherait des choses. Est-ce que X-Files, toute proportion gardée, a été un petit peu la série qui a lancé cette grande ère de suspicion généralisée dans laquelle on est en ce moment? Non, je crois pas. Je crois Séverine. Je crois que ça a été la caisse de résonance de choses qui existaient déjà et que ça l'a mis un peu davantage sur le devant de la scène, mais que ça serait arrivé de toute façon s'il n'y avait pas eu X-Files par d'autres œuvres, d'autres détours. X-Files n'est clairement pas la première œuvre conspirationniste, la première fiction conspirationniste. Elle sera pas la dernière. Est-ce qu'elle a changé? Elle a peut-être changé des choses sur les manières de percevoir ou de mettre en scène certains types de complots ou certains types de thématiques, notamment les extraterrestres, les petits hommes gris, etc. Il y a une facture X-Files, mais je ne pense pas que ça soit un point de départ, ça a plutôt une résonance sociale. La différence étant que, par exemple, dans le cinéma de science-fiction des années 50, où il y avait la peur du communisme, souvent celui qui était caché dans la société américaine était un alien, un envahisseur venant de la planète rouge, donc un communiste... la figure, voilà, communiste caché. Alors que dans X-Files, on montre bien que l'ennemi vient de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est un membre du gouvernement américain, oui. Avec des traits américains. Mais ça, c'est une évolution. C'est l'évolution de la conspiration. Quand il y a les envahisseurs, certes, l'approche, au fond, est la même, même si c'est pas le même message qu'on veut véhiculer. Sauf que ce qui s'est passé entre-temps, c'est que les blocs se sont scindés et que l'Amérique, il suffit de voir une série comme MacGyver et de voir comment l'agent secret bascule en devenant l'agent secret de l'intérieur, qui s'intéresse qu'au cas purement américain. Et au final, c'est un peu la même chose qui se passe avec X-Files, où tout d'un coup, quand cette série arrive avec cette fin du monde programmée, cette fin de siècle annoncée, l'émergence d'Internet, de tout ce qui va faire que ça va véhiculer de nouvelles fausses idées ou fake news, ça joue avec tout ça. Mais finalement, c'est juste le contexte qui change. La mécanique, elle est la même, je pense. Et à l'extérieur, pardon, juste pour préciser, c'est que on n'a pas vraiment de retour en dehors de la France à l'époque, mais nous, dans notre pays, cette série a engendré donc des gens qui étaient un pro complot, et le fan club qui était le plus grand du monde à l'époque a été infiltré par des pro FN qui essayaient de rapatrier des gens dans leur parti. Libé avait fait la une là-dessus. Voilà, c'était vraiment une reprise des thèmes, la peur de l'autre, la peur de l'inconnu, de quelqu'un de différent, quoi. Alors, X-Files est une série qui s'est déclinée en film, et ce film n'a pas forcément été du goût de tout le monde. C'est la séquence « J'aime pas ». J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un film, déjà, pas mal, en 98. C'est du cinéma, et que pour faire du cinéma, il rajoute tout ce qu'il n'y a pas dans la série, c'est-à-dire les effets. C'est-à-dire que c'est en fait la série gonflée à l'EPO, quoi, si vous voulez, vous voyez. L'histoire, elle n'est pas du tout à la hauteur de la série, c'est une espèce d'auto-trahison. On regrette un tout petit peu qu'ils n'aient pas compris quel était l'esprit de leur série, voilà. En 2008, il y a eu un film, on aurait franchement pu s'en passer, et puis, il y a eu la tentation du reboot. Et depuis 2016, on se farcit deux saisons supplémentaires qui sont... Disons-le tout net, nul à chier. 11e saison de X-Files, qui est bof, bof et bof. La saison 10 n'était pas énorme. Alors là, ils ont vraiment enterré X-Files. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. X-Files, saison 11, c'était bof. Bof, non. Bof, non. Ou pas. La 10, oui, la 11, 10, non. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que quand la 10 est arrivée, tout le monde était content, mais en fait, on fait pour qui un revival? Est-ce qu'on fait pour le public d'avant? Est-ce qu'on fait pour le public qui est resté? Pour qui on le fait? Le public d'avant, le grand public, il est parti au bout de la 6, voire la 7, voire peut-être même avant, même peut-être le premier film, parce qu'il comprenait rien, alors que bon, soit. Mais... Donc on le fait pour qui? Est-ce qu'on le fait pour retrouver les choses d'avant? Est-ce qu'on fait l'évolution? Est-ce qu'on fait la même série? On ne sait pas. Donc la 10, oui, c'était les acteurs n'étaient pas dedans, l'écriture n'était pas du tout dedans, ça venait peut-être. Mais d'ailleurs le duo vedette a été remplacé. Au bout d'un moment, il y a eu d'autres, deux autres hasards. L'acteur, donc, David Duchovny était parti parce que voilà, il voulait faire autre chose et puis problème de contrat, enfin les choses comme ça. Donc il a été remplacé par l'excellent Robert Patrick, qui a fait un excellent boulot dans la saison 8. Oui, Iris, quoi que tu dis, j'adore cette saison 8. Oui, je sais. Robert Patrick, qui était également le T-1000 dans Terminator 2 de James Cameron. Et ensuite, Gillian Anderson voulait être un peu en retrait. Donc oui, il y a eu l'agent Reyes, qui est doublé donc, par Véronique Augereau, qui fait la voix de Marge, donc ce qu'on a entendu tout à l'heure. Oui. D'ailleurs, petit hommage pour Caroline Beaune. Oui. Avec Iris, on l'a rencontré plusieurs fois, qui était la voix française de Scully, qui nous a quittés en 2014. Donc voilà, un petit salut, qui a fait un excellent travail, excellente VF. Et donc la 10 arrivée, il n'y a eu que 6 épisodes, l'écriture n'était pas c'était taude. C'était trop court. Carter, il n'est plus là dans sa tête. Oui, Carter est quelqu'un des années 90, il faut le dire, il n'a rien fait depuis, il n'a jamais prouvé ailleurs. Peut-être Millennium, oui, mais après c'était mieux quand il était parti aussi. Donc, D'ailleurs, il y a eu des séries dérivées d'X-Files, The Lone Gunman. Il y a eu au cœur du complot en français, avec un premier épisode sur un attentat par avion sur le World Trade Center. Et est-ce qu'ensuite une série comme Fringe de J.J. Abrams, c'est vraiment inscrit dans ce qui avait été fait avec X-Files? J.J. Abrams est fan d'X-Files. De toute façon, toute cette bande de créateurs de séries de maintenant qui ont notre âge ont grandi avec X-Files, donc forcément c'est leur référence aussi. Donc oui, Fringe, totalement. Ah, donc, et ce sera une référence, que ça soit un geste d'amour ou au contraire se démarquer au maximum de ce qu'a fait X-Files. Oui. De toute façon, après, ils sont démarqués justement parce que au début, quand on regarde le premier épisode de Fringe, on se dit bien grave une influence d'X-Files, clairement. Mais après, ils ont leur propre mythologie, leur propre histoire, et il y a une fin, en l'occurrence, dans celle-là. Benoît Lagan. Oui, mais c'est vrai que ce qui est intéressant aussi avec le cas de Fringe, et c'est que c'est le genre de série, je pense qu'on ne peut l'apprécier dans toute sa complexité que si on a vu finalement presque X-Files ou les séries du même genre, parce que et en fait tout ça, c'est enfin le Abrams, c'est les copains d'Abrams, c'est pas pour rien que c'est lui derrière qui reprend aussi même au cinéma toutes les séries de films. C'est que en fait toute son œuvre, c'est ça, c'est de jouer avec les séries d'avant. Donc c'est pour ça que ça a marqué. Mais même, je dirais que X-Files, ça a marqué le fait qu'on voit sur le bas de l'écran le lieu, l'heure où on est situé. On entendait la musique de Snow, c'est ces grandes nappes, mais ça a été repompé mais des milliards de fois dans plein de séries. Après, enfin ça a inventé esthétiquement quelque chose. Et ça, c'est Carter qui l'avait dit. Je l'avais entendu dans une interview menée par Alain Carazé où il avait dit Carter que il voulait visuellement créer quelque chose tout d'un coup avec beaucoup plus de moyens. Et c'est vrai que c'est ça qui a fait que ça a changé un peu, oui, le la donne. Le clair obscur, les faisceaux de lampes au milieu de la nuit. Seven, il y aurait peut-être pas eu. Enfin, peut-être que je balance quelque chose, mais Seven, c'était quand même. Là, vous êtes parti trop loin. Là, il faut assumer complètement. Seven, David Fincher, c'est une ambiance totalement. Enfin, c'est. Je dis pas que c'est inspiré d'X-Files, mais je pense que c'est arrivé à ce moment-là, ça a marché parce que les gens étaient habitués à cette esthétique. Quoi. Non, puis en plus ils avaient fait pareil. Carter disait aussi que chaque épisode il le construisait comme un mini-film, donc il y avait vraiment un travail filmique là-dessus. C'est le truc de. Je sais plus ce que je voulais dire, mais. Bah écoutez, je pense que ça avait l'air vachement intéressant. Ouais, ouais, ça l'était, mais je. Voilà. Mais justement, est-ce que vous avez un épisode phare qu'on pourrait montrer à quelqu'un qui ne connaît pas pour lui dire voilà, X-Files au top de sa forme, c'est ça. Oui, saison 6, épisode 2. Ça aide vachement. Oui. Merci Thomas. Moi, je sais pas s'il faut regarder le début, parce que c'est tellement compris entre deux périodes de 90-2000, ça a changé, il y a beaucoup de choses. Ça a changé, mais je pense que pour montrer. Alors il y a deux aspects, parce qu'il y a des épisodes dits mythologiques, c'est-à-dire qu'il y a avec le fil rouge sur l'histoire des extraterrestres et du complot gouvernemental. Et la sœur de Mulder, dont on n'a pas encore parlé. Voilà, qui est dans l'histoire du complot, en tout cas. Et il y a les épisodes dits des Loner ou Monster of the Week, où c'est une enquête bouclée ou enfin ouverte. Mais en tout cas, voilà, un épisode, une enquête, un épisode. Avec ce fameux Toomes. Avec le fameux Toomes. Mais Toomes, n'importe quelle personne qui a regardé un petit peu X-Files au début... Alors que c'était le troisième épisode. Oui, c'est alors, tout le monde s'en souvient. Je décris pour les auditeurs, Toomes est en fait une sorte de mutant qui a le pouvoir de rentrer dans des espaces extrêmement étroits, cloisonnés, et de tendre sa peau comme ça, ses doigts. Donc il peut passer par les toilettes, par bref, l'horreur la plus absolue. Je crois qu'il y avait un moment où il passait dans un escalator. Il a décédé dans un escalator. Voilà. Là, il peut pas passer. Là. Voilà. Et il mange des foies. Et il mange des foies. Voilà. Il mange des foies pour se régénérer. Il hiberne pendant 33 ans, je crois. Ouais. Et il mange 5 foies. Oui, il est spécial. 5 fruits et légumes. 5 fruits et légumes par jour. C'est ça. 5 fruits et légumes. Alors, il y a ces deux types d'épisodes. Mais moi, je dirais, il y en a même un troisième. C'est l'épisode un peu spécial, le hors-série. L'épisode souvent qui tourne en dérision l'univers. L'épisode parodique. Ouais, l'épisode parodique. Moi, je me souviens de cet épisode où ils sont dans une famille. On est dans le freak show, dans un cirque, où c'est assez étonnant. Et c'est vrai que si on devait dire à quelqu'un d'aller regarder un épisode d'X-Files, surtout aujourd'hui à l'heure des séries hyper feuilletonnantes, où chaque épisode en fait enchaîne la suite de l'histoire, etc. Moi, j'aurais tendance à conseiller un de ces épisodes clos pour montrer que s'il se lance dans l'aventure X-Files, c'est surtout ça qu'il va voir. Parce que finalement, sur une saison d'une vingtaine d'épisodes, la mythologie, c'est 4, 5, 6 épisodes. C'est au début, au milieu, à la fin, quoi, en gros. Dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais avant cela, c'est Lana Del Rey avec Doing Time. Summertime, and the living's easy. Rallies on a microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad, but she treats me like shit. I'm locked down like a penitentiary. She spreads her love and all the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. C'était Lana Del Rey avec Doing Time. Et maintenant, on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Fabien au téléphone. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors, vous êtes fan d'X-Files? Ouais, quand même assez, hein, ça fait... Beaucoup de temps depuis le début. Oh là, oh là, oh là. C'est, vous avez découvert la série comment? Bah, sur M6 en français, c'est, avec le recul, c'est un peu dommage. J'aurais préféré avoir la VO direct. Mais du coup, aux premières heures de la télé française pour X-Files. Et puis, bah, après, quand je suis devenu un petit peu plus grand, je me suis racheté tous les coffrets en DVD et puis je me le regarde de temps en temps. Ah, bah, c'est parfait. Vous êtes l'homme de la situation. Alors, je vais vous poser trois questions. Vous avez 25 secondes chrono pour y répondre. Alors, si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez le droit à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. Ok. Ok ? C'est parti. Si je vous donne le chiffre 5, c'est réponse A, le nombre d'épisodes réalisés par Chris Carter pour la saison 11. Réponse B, le nombre de personnages récurrents que l'on retrouve dans toutes les saisons. Ou réponse C, le nombre de saisons initialement prévues par Chris Carter. Ah, je dirais réponse C. Le nombre de saisons initialement prévues par Chris Carter. Oui, je consulte mes fiches. L'ambiance est palpable, insoutenable, je dirais. Mais en fait, c'est une bonne réponse. Bravo à vous ! Bravo Fabien ! Oh, pour se calmer un petit peu, mon garçon, on va pas commencer à prendre le melon, parce qu'il y a quand même deux autres questions. Le temps de mettre un X sur la fenêtre et j'arrive. Allez-y. Question suivante. Qui est l'auteur du générique de la série? Des génériques ou de la musique? De la musique. Ah, je le savais. Ah là, il y a Iris qui est outrée, là, attention. Oui, bah moi aussi. Oui, l'auteur du générique. Ah, quoi? Marc Snow. Bonne réponse. Bonne réponse. Ah là là là là là là. On est d'accord que vous avez pas votre téléphone avec avec Google ouvert juste à côté, hein. Non, j'ai le téléphone juste devant ma bouche et je fais des allers-retours dans mon bureau. D'accord. Bon, c'est bien. Alors là, c'est quasiment gagné, hein, mais il y a quand même l'ultime question. Et souvent, c'est quand on arrive à 5 mètres de l'arrivée qu'on s'écroule. On se casse la figure. Ouais, voilà, on pleure, on repense à tout cet entraînement qui n'a servi à rien. Et c'est fini. C'est le désespoir le plus complet. Mais je ne vous mets pas la pression, Fabien. Non, moi je sens bien que tout va très bien là. Alors attention, on écoute. De quelle série fantastique est issu ce thème? Quelle série fantastique est issue de ce thème? La quatrième dimension. Bonne réponse. C'est un sans faute de Fabien. C'est incroyable. Revoyons l'action. De quelle série fantastique est issue ce thème? Redites-le. Que de stress. Ah bah voilà, non, il a raté le truc là, hein. J'étais en train de faire un replay tout seul et il l'a raté. Non mais c'est très bien. Eh ben écoutez, vous avez gagné le livre Le récit dans les séries de science-fiction de Star Trek à X-Files de Florent Favard paru aux éditions Armand Collin. Bravo. Eh bien c'est super, merci beaucoup. Voilà, bravo Fabien, merci d'avoir participé. Et merci à vous et merci pour votre émission, elle est super. Ah bah tant mieux. À bientôt. Au revoir. Alors, il nous reste très peu de temps avant la fin de cette émission, mais j'ai envie de vous poser la question sur l'avenir de l'esprit X-Files. Est-ce qu'il y a une série en ce moment qui arrivera à cristalliser tout ce que X-Files a mis en place? En ce moment-là, tout de suite, maintenant. Qui n'est pas terminé. Qui ne soit pas terminé, ou... Moi, j'ai une petite idée, mais je vous demande. Faut pas dire Stranger Things. Non, j'allais pas dire ça. Je dis pas des choses comme ça. Il y a des gens qui diraient des choses comme ça, mais moi je dis pas des choses comme ça. Il y a un truc dans X-Files, le point fort, ça tenait pas sur un showrunner. Il y avait beau avoir Chris Carter qui était le showrunner, il y avait surtout une bande de scénaristes à qui Chris Carter laissait libre cours à leur imagination. Est-ce que maintenant, dans une série actuelle, on a l'équivalent? Je suis pas sûre. Après, je regarde pas toutes les séries du monde dans le monde, hein, mais... Je pense qu'en termes d'esprit, moi j'ai trouvé beaucoup de similitudes dans le ressenti, alors c'est peut-être encore une fois quelque chose de très personnel, mais avec Trou Détective. C'est la fin de l'émission. Bon, ça, c'est un deuxième bide. Bon, bah écoutez, je vous remercie pas. Je suis d'accord sur l'aspect, les deux flics, le duo, etc. L'Amérique profonde. Parce que c'est vrai que ce que a montré X-Files, c'est cette Amérique profonde qu'on voyait pas. On était beaucoup dans les villes. Toutes les séries étaient vraiment ancrées, notamment les séries policières étaient ancrées dans les villes. Et là, tout d'un coup, on a vu la campagne. Et ces voitures qui roulent. Alors là, je comprends complètement. Je fais plus quoi. Donc j'avais raison. Un grand merci à tous nos invités, Séverine Barthes, Benoît Lagagne, Iris Benoît et Thomas Vachnicki. Comme toujours, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire X-Files, ou nous retrouver sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter, hashtag BlockbusterFI. Votre vie est peut-être en danger. Pourquoi ? Vous avez vu des choses que vous n'auriez pas dû voir. Il va vous falloir faire preuve d'une discrétion absolue. Et on se retrouve lundi pour parler d'un extraterrestre qu'on n'a pas du tout envie de rencontrer. Lundi, on parle de Sigourney Weaver et de Xenomorph, on parle de la saga Alien. Après le journal, on retrouve le débat de midi avec Nadia Dame.